Comme invité de cette édition du débat panafricain sur Afrique Média, des noms et des visages que vous aimez très bien de par la force et la qualité de leur argumentaire, des visages qu'on ne vous présente plus. Les invités à multiples, tout comme ici dans ce studio, je voudrais bien commencer par vous, professeur Jean-Paul Bellec. Vous êtes astrophysicien. Vous êtes un habitué de cette émission, le débat panafricain. Vous êtes également panafricaniste. C'est avec un énorme plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce studio. Bonjour à vous, professeur. Bonjour Aboubacar, bonjour les copanélistes, dont celui que tu vas présenter qui est sur le plateau avec moi. Bonjour à tous les techniciens, bonjour aux téléspectateurs du débat panafricain. Bien sûr, bonjour à nos copanélistes qui sont également sur Zoom. Merci de m'avoir invité. Merci donc à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Vous êtes astrophysicien, je l'ai dit tantôt. Vous êtes également panafricaniste. Nous aurons en multiplex, en attendant la connexion, nous aurons Nestor Podassé qui est panafricaniste. Nous serons également en connexion avec Amina Fofana, panafricaniste, et Madame Linda Larbaoui qui est analyste politique expert en sécurité. Voilà, et nous revenons sur ce studio avec vous, le président Badakani. Vous, on ne vous présente plus à nos téléspectateurs. Vous êtes homme politique. Vous êtes pratiquement l'un, ou pour ne pas dire le fondateur de cette grande palabre africaine, le débat panafricain sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, un monument, je voulais bien dire. Vous êtes panafricaniste. Bonjour à vous, président Badakani, et bienvenue à cette édition. Merci. Merci de m'avoir invité. Permettez-moi de saluer les techniciens, parce que sans leur consécration, nous ne pourrons pas nous exprimer dans des conditions idoines. Techniquement parlant, permettez-moi de vous saluer vous-même, de m'incliner devant votre sens élevé du professionnalisme. Permettez-moi de saluer mon copanéliste, l'illustre professeur Bellec. Malgré son humilité, c'est un savant de réputation internationale établie. Hein, c'est établi. Donc, ce n'est pas les charlatans, c'est vérifiable directement. Donc, il est très humble, c'est la marque des grands. Permettez-moi de saluer mes copanélistes, d'autres qui vont arriver. J'ai entendu des noms là. Exactement. J'espère qu'ils seront là et je les salue. S'ils sont déjà là, pour celle qui est là, je salue. Celle qui n'est pas encore là, je salue par anticipation. Mais bon, vous me présentez comme le pionnier. Bon, je l'assume. Mais dans cette affaire, on a été Tundi, Hubert et Tundi. Moi-même, et dans une certaine mesure, pas dans une certaine mesure, Jocelyn Gosse, au départ, eux, comme journalistes, bon, moi, comme panafricaniste. À ce titre-là, oui, vous pouvez le dire. C'était à trois qu'on a pensé ce projet et on l'a implémenté. Mais. Pionnier comme panéliste, oui. Pionnier comme panéliste, oui, c'est de la vérité. Faut souvent rappeler ça, c'est pas mauvais. C'est simple, important. Oui, il faut souvent rappeler ça parce que il y a beaucoup de charlatanisme qui est construite pour détruire le panafricanisme, pour l'infiltrer, le diluer. Mais bon, ce sont des velléités qui n'aboutiront nulle part parce que la puissance qui est derrière ce mouvement n'est pas ce que les gens imaginent. Et quand je regarde certaines velléités, je ris. Velléité française, velléité de l'Union européenne à fabriquer des panafricanistes, soi-disant pour infiltrer, velléité papale, tout à l'heure on en parlera, qui subitement se découvre des arsens, des dénonciateurs, du colonialisme. Oui, économique. Mais ça, tout ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, c'est bien. Mais tout à l'heure on en parlera dans le fond. Merci de m'avoir invité. Je termine en saluant les milliards de téléspectateurs qui sont attachés à cette émission depuis bientôt 12 ans. Voilà. Ce n'est pas parce que à BMTV, on nous accrédite d'avoir 250 millions de spectateurs que c'est vrai. Ils ont divisé par 3 ou 4. Les médias, c'est des milliards. C'est déjà ça. Ils n'ont pas le choix. C'est déjà ça. Des milliards de téléspectateurs. C'est déjà ça. Ça fait plaisir de voir qu'on a commencé une œuvre qui avance, sûrement, qui est solide, et qui ne pourra pas être renversée par les velléités recolonisatrices, n'est-ce pas? Des ennemis du continent africain alliés à leurs relais locaux. Voilà.

et de vos intérêts ne sont pas garantis de la même manière dans le cadre d'une enquête administrative. C'est clair et net. Donc, vous voyez que je ne dis pas que les enquêtes judiciaires ont le monopole de la vérité. Je ne dis pas qu'une enquête administrative ne peut pas produire quelque chose de véridique, parce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de vous expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Et dans le contexte camerounais, n'est-ce pas, qui est marqué par une lutte darwinienne des clans les plus avancés au sommet de l'État, qui se battent à mort pour le contrôle de l'appareil de l'État, afin de mettre celui-ci au service de leur projet. De leur projet successoraux, n'est-ce pas, pour ne pas dire même de leur projet de coup d'État. Il y en a même qui veulent plus attendre la mort du président. Ils veulent plus attendre que le président ne soit plus au pouvoir. Il y en a même qui veulent l'enfermer même là maintenant, là. Ils veulent même plus attendre. Donc, vous voyez très bien que lorsque l'appareil de l'État est l'objet de tiraillé dans les batailles administratives de haut niveau, vous ne voulez pas naïf pour croire que ça n'impactera pas une dynamique d'enquête. D'accord. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça, attendez, c'est pour ça qu'il y a une suspicion, n'est-ce pas, au niveau de l'opinion, sur la valeur de cette enquête administrative. Mais pour l'instant, nous avons des éléments qu'on nous a donnés, 20 personnes ont été arrêtées, il y a des fuites, tous ces consorts, ce qui ne veut pas dire qu'une fois l'enquête administrative bouclée, on puisse en mettre à la justice pour qu'elle se saisisse enfin du dossier. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que l'affaire suit son cours normal et on ne perd rien qu'à attendre. On fait confiance à ceux qui suivent. Non, mais il faut continuer à maintenir la pression. Merci beaucoup, président Bandakani. On va prendre le sujet. Déjà, on nous fait savoir que Nestor Podassé est en ligne. Nestor, je vais vous présenter parmi les panélistes de cette émission. Si vous êtes en ligne, bonsoir à vous, Nestor, et bienvenue à cette émission. Alors, c'est visiblement une fausse alerte. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, président Bandakani, nous allons prendre la première thématique de cette émission. Alors, on constate de plus en plus que le Mali et le Burkina Faso resserrent chaque jour leur rang et on parle même de l'idée d'une alliance et même de la fédération qui serait en train de se structurer sur le terrain entre les deux pays. Ce que certains appellent même le point de départ du Nouvelle Afrique. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, quel accueil une telle idée de votre part? C'est un accueil avec beaucoup d'allégresse. On est content de ce qui est annoncé et nous espérons ce qui va s'établir. Le Mali et le Burkina sont deux pays voisins. Ils ont une frontière commune. Donc déjà, on est content parce que ça fait une continuité territoriale. Ces deux pays qui ont à peu près la même population, ça tourne autour de 22 millions d'habitants pour chaque pays. Donc en termes de population, ça se vaut. En termes de superficie, le Burkina Faso, c'est un peu moins du quart de la superficie du Mali, c'est-à-dire 22% en fait. Et en termes de difficultés causées par l'ennemi colon, unipolaire, ils subissent tous ensemble le problème du terrorisme qui a commencé d'abord au Mali. À l'époque, on avait l'impression que le Burkina était épargné. On a vu que c'était pas vrai. D'ailleurs, d'autres pays de la même sous-région sont frappés par ce terrorisme. Il y a le Niger. Même des pays comme le Bénin, de temps en temps, subissent des contre-coups, y compris la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, qu'ils unissent leurs forces et se coordonnent pour résoudre ce genre de problème, là, en l'occurrence sécuritaire, au niveau économique, ce que nous avons tous souhaité. Le grand Cheikh Anta Diop a souhaité l'État fédéral d'Afrique noire, et de façon rationnelle, pour l'exploitation des ressources. Nous, en tant que panafricanistes, nous voyons l'Afrique dans sa totalité, mais que ça commence par déjà deux États qui acceptent de commencer cette fédération, franchement, c'est de très bon augure pour la suite. Parce que si une telle fédération est lancée et qu'elle réussit, C'est sûr qu'il y aura un troisième état, un quatrième. C'est un peu comme les... On appelle ça un germe, mais ce n'est pas au sens biologique du terme. Hein. Quand on veut faire croître des cristaux, par exemple dans l'industrie électronique, donc on met un petit morceau de cristal pur, et au fur et à mesure qu'on envoie la vapeur des atomes, ils vont commencer à s'agréger dessus, et on finit par avoir un plus gros cristal qui est très pur. Donc, mais c'est le germe qui amorce la croissance pour obtenir un plus gros cristal. Donc c'est un peu ça, c'est un germe, pas au, je dis au sens physique, hein, pas au sens biologique, parce qu'au sens biologique c'est plutôt négatif. C'est un germe qui permet de d'entrevoir, initier donc ce panafricanisme réel que nous avons souhaité depuis nos aînés, hein, parce que non continue. Et vous savez, tant que nous parlons et qu'il n'y a même pas une amorce, en mathématiques, c'est comme s'il y avait l'ensemble vide. C'est-à-dire, est-ce que ça se fera même? Mais à partir du moment où maintenant l'ensemble n'est plus vide, il y a un début. Alors on a l'espoir que la totalité va s'établir avec le temps. Donc franchement, c'est très encourageant. Et en même temps, j'en profite pour dire que c'est bien la preuve que le CFA, non seulement il est mort officiellement le 31 décembre 2020, mais le CFA est encore court, de façon illégale, hein, pour moi c'est illégal, que parce que ça arrange encore les États africains qui sont en train d'étudier ces différentes possibilités. Mais en réalité, ce CFA, sa fin effective est annoncée, programmée. Parce que, regardez, un pays comme Mali, le 12 janvier, a fêté son renouveau de souveraineté. Alors, vous croyez bien que si c'était le CFA était un pan infranchissable, au lieu de faire l'union, d'abord chasser les troupes françaises, ensuite les ambassadeurs français, et la presse française, dont RFI, TV5 Monde, et maintenant faire l'union, cette fédération avec le Burkina Faso, il passerait par le CFA. Or, vous voyez bien que ces points-là sont plus importants, sont plus significatifs. Donc, ça veut dire que le CFA, en fait, c'est juste une question de convenance, pour l'instant. Voilà. Mais en fait, sa fin effective sur le terrain est déjà actée. Et il y a forcément dans les mallettes des projets, peut-être qu'on continue encore à tester, mais qui vont se mettre en place. Donc moi, ça me donne toute cette espérance positive là. Voilà. Et j'encourage les autorités à aller au bout et à réussir. Il y a eu, vous souvenez, ça a commencé en 1957 ou 58. Il y avait d'abord 4 États de la sous-région qui voulaient s'unifier. Et dans ces 4 États, on retient le Mali et le Sénégal. Mais il y avait déjà le Bénin et à l'époque le Burkina Faso qu'on appelait le Dahomey. L'autre Volta et le Bénin qu'on appelait le Dahomey. Donc le Burkina Faso, à travers la Haute Volta, de son ancien nom colonial, était déjà présent. Bon, les présidents Yaméogo et puis Maga n'ont pas suivi. Donc il y a eu ce début d'union entre le Soudan, le Mali s'appelant Soudan, non colonial toujours, à l'époque coloniale. L'union a eu lieu entre le Soudan et le Sénégal, ça a duré 8 mois. Et bon, on sait pourquoi, ça a été torpillé par les forces coloniales. Hein. Et puis voilà, ça en est fini. Le Mali a récupéré, a acquis son indépendance de son côté, le Sénégal de son côté, et les deux autres pays, sous le nom de Dahomey, République de Dahomey et République de Haute-Volta. Mais ça revient maintenant, vous voyez, donc ce qui a commencé n'est jamais perdu, c'est-à-dire que nous sommes tous fidèles à nos aînés, c'est juste une question de temps, parce que la lutte est âpre, hein. Mais nous marquons des points, c'est encore la preuve que nous marquons des points. Donc on revient maintenant avec cette unité avec le Burkina Faso et le Mali, et il faut pas rater ça, parce que justement réussir donne plus d'allant, plus d'encouragement, plus de motivation, de la volonté de combattre encore davantage, et réussir, échouer par contre, c'est décourageant. Donc il faut vraiment que nous souhaitons bon vent à cette fédération, il faut qu'elle réussisse et qu'elle soit exemplaire, comme je l'ai dit, de façon à ce que d'autres États viennent s'y agréger, déjà dans la sous-région, et puis et que ça serve d'exemple, par exemple en Afrique centrale, pour la sous-région, et que ça serve d'exemple en Afrique australe et aussi en Afrique du Nord. Merci énormément à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Nous allons essayer de de mettre le câble sur le Burkina Faso. Question de retrouver Nestor Podassé. Alors, Monsieur Podassé, vous êtes panafricaniste, vous êtes un habitué de cette émission. Vous êtes sur le terrain, pour ne pas dire en quelque sorte que vous vivez ce qui se passe, hein, ce qu'on parle d'une alliance entre le Mali aujourd'hui et le Burkina Faso. Dites-nous, très cher monsieur, comment est-ce que cette alliance, ce rapprochement entre ces deux pays qui non seulement partagent la même histoire, mais aujourd'hui font face aux défis communs, comment est-ce que ce rapprochement est perçu sur le terrain par les différentes populations qui sont au front de lutte? Et d'abord, merci pour l'accueil. J'avais des soucis de connexion, j'étais obligé de changer. J'étais avec 8 filles tabouriers, j'ai pris Télécel tabouriers, je suis avec un autre réseau maintenant. Donc c'est pas simple ici, parce que quand il y a des émissions pareilles, l'ennemi n'aime pas ça. C'est comme le jour de notre meeting le 28 janvier passé. Pour faire des directs au lieu du meeting, c'était difficile parce que l'ennemi n'aime pas ça. Ceci étant, alors je reviens à ma question. Je salue d'abord le professeur Mbellet, le président Banatani, le PDG d'Afrique Média, je salue tous les éminents panafricanistes. Je suivais cette émission de loin, dans mes écrans depuis dans les années 2012, 13, 14, au départ de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Aujourd'hui, je suis très content de partager le plateau avec Banakani, qui fut l'un des pionniers sur Afrique Média. Donc, les gens ne croyaient pas en son temps, mais nous qui étions encore moins jeunes en son temps, on croyait, parce que ce qu'il disait nous éclairait beaucoup. Donc, c'est pour dire à ceux qui sont encore optimistes, à éteignez les télés et réallumez vos cerveaux. C'est très important. Ceci étant, je reviens à la question de la fédération. La question de la fédération est partie parce que c'est le peuple qui a voulu. Et comme le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré a dit, le peuple sera ma boussole. Et je lui dis, je dirai au président capitaine Ibrahim Traoré qu'il ne va pas réussir tant qu'il va utiliser toujours le peuple comme sa boussole. Tout est parti de comment? C'est vu ce qui s'est passé, le professeur Mbellet a déjà parlé de ça, je ne peux plus revenir là-dessus. Nous avons constaté une défaite criarde de la CEDEAO sur le terrain. Nous avons vu une CEDEAO bureaucrate, bourgeois, qui brille par des sommets et des rencontres inutiles, qui ne donnent rien de bon sur le terrain. Mais à la frontière, nous subissons des tracasseries. Nous avons parlé de CEDEAO, l'intégration, l'Union africaine, l'Union ouest-africaine, et moi, zéro, ça ne donne pas de résultat. Donc, nous avons décidé d'aller dans le Panafrique. Et Dieu merci, il y a eu coup d'État au Mali en 2020. La France-Afrique a essayé de revenir avec Bandao et son équipe, avec un imam bandit qu'on appelle l'imam Diko, qui est un imam terroriste, pour étouffer cette révolution-là. Dieu merci, la jeunesse malienne, par la société civile panafricaine réveillée, nationaliste qu'on appelle Yerewolo, et tous les autres panafricanistes du Mali, avec les militaires patriotes, vont rectifier la tire à partir de début juin 2021. Et nous, au Burkina, on a commencé à s'organiser comment attaquer le terrain. À partir de octobre 2021, nous avons commencé les actions sur le terrain. Nous sommes empêchés, martyrisés, tapé par le régime despote, un autre valet locaux de la France-Afrique, qu'on appelait Rockman Christian Caboré, vont nous embastiller, tabasser, d'autres sont emprisonnés, d'autres sont muselés. Oh, voilà, nous sommes en novembre 2021. Nous avons décidé de passer à l'offensive supérieure parce que Burkina est utilisé comme base arrière pour déstabiliser le Mali. Nous avons vu un convoi de l'enfer qui a quitté Abidjan pour Bamako. Si les techniciens peuvent ramener les images du blocage du convoi, vous allez voir. Long de 5 km, avec des matériels lourds, avec une armée d'occupation terroriste française pour ravitailler le nord du Mali. Nous avons dit ça, nous ne pouvons pas laisser passer ça. Le combat est engagé, elle est engagée pour tout. Nous sommes sortis à Bobo-Dioulasso bloquer ce convoi-là. Ils ont tout fait pour passer. Arrivé à Ouagadougou, les jeunes sont sortis les bloquer. Et nous avons appelé nos camarades de Kaya, de bétonner Kaya. Et Kaya, il y a un seul coin là. Le péage, quand vous bloquez cela, il n'y a plus d'entrée à Kaya. Et la jeunesse de Kaya va les tenir pendant 72 heures, pas de passage. L'armée française va prendre défaite. Ils vont revenir à Ouagadougou, rester près de plus de 2 semaines. Et leur patron va couper l'internet pour casser la mobilisation qui est Roch Marc Christian Kabore et les laisser passer. Depuis lors, l'union entre les deux peuples s'est renforcée. Et ce qui encore se met cette union davantage, c'est le 22 janvier 2022, où le peuple est sorti par rapport à la sanction que la CEDEAO a pris contre le Mali, cet embargo injuste, cynique, diabolique et destructrice. Le peuple burkinabé, nous sommes sortis le 22 janvier 2022, nous avons dit que Roch Marc Christian Kabore, qui a signé cette sanction économique, ne lève pas ces sanctions contre le Mali, il va quitter le pouvoir. Et nous sommes sortis partout, à Ouaga, à Bogo, dans toutes les villes du Burkina, pour faire partir Roch Marc Christian Kabore. Et c'est en ce moment, l'armée va arriver au pouvoir pour déposer Roch Kabore et prendre le pouvoir. Et Damiba arrive, il fait discours révolutionnaire. Nous avons cru que nous avons eu maintenant un deuxième Sankara. Malheureusement, le 16 février 2022, Damiba va dire que lui n'est pas dans l'élan révolutionnaire. Donc le peuple déjà s'est démarqué de lui à partir de là. Et depuis lors, nous sommes restés en contact avec le peuple malien, avec la société civile malienne. Pendant cet embargo, nous sommes allés au Mali aider les Maliens. Nous avons organisé le forum d'investissement panafricain ensemble pour soutenir le Mali, pour dire aux Maliens que nous sommes avec eux. Nos camarades du Sénégal vont marcher de Dakar à Bamako à pied pour soutenir le peuple malien. Nos camarades de la Guinée vont marcher de la Guinée jusqu'à au Mali pour soutenir le peuple malien. Et le 22 janvier 2022 a été l'événement majeur qui a initié cette idée de fédération. Parce que nous avons vu que c'est ce jour-là où partout en Afrique, nos camarades panafricains ont manifesté pour soutenir le Mali. Nous continuons jusqu'à ce que les événements du 30 septembre 2022 arrivent au Burkina Faso. Et le peuple malien aussi a manifesté pour nous soutenir pendant le changement de régime au Burkina Faso. Et depuis lors, la fraternité s'est renforcée. Nous et la Fédération des mouvements panafricanistes au Burkina Faso que je dirige, nous avons organisé un meeting le 10 décembre pour demander la Fédération Burkina-Mali-Guinée. Le 17 décembre, nous l'avons fait à Bobo. Le 29 décembre, nous l'avons fait encore à Bobo. Et nous l'avons repris le 28 janvier pour demander. Et chose bien séante, pendant que nous sommes dans cet élan, on a un camarade, Cissé Ibrahim, qui quitte le Mali, qui va marcher pendant 21 jours. Il a fait 916 kilomètres de Bamako à Ouagadougou pour remettre le drapeau du Burkina et du Mali au Son Excellence Ibrahim Traoré pour demander la fédération des deux États. Et cela a été un élément déclencheur. Le jour que nous sommes allés chez le premier ministre du Burkina Faso, il nous a reçu, il a dit, Monsieur Cissé Ibrahim, ce que vous avez dit, c'est vrai, j'avais un projet de rendre visite à mon homologue, Son Excellence Chouguel Koukala Maïga du Mali. Pourquoi on parle de l'idée de fédération? Mais vu que vous, les acteurs de terrain, vous êtes plus pressés que nous, alors, tu vas m'amener à effectuer cette visite-là très rapidement au Mali, mais sache que toi et moi, nous allons repartir ensemble. Si ça ne croyait pas, jusqu'au jour où le premier ministre l'appelle, il dit, bon, viens, demain, on va partir ensemble. Si ça est embarqué dans l'avion spécial, dans le vol spécial avec le premier ministre, ils vont aller à Bamako, ils vont rencontrer Chouguel Maïga, ils vont rencontrer Abdoulaye Diop, ils vont rencontrer Son Excellence Assimi Goïta, avec des projets que donc nous n'avons pas le droit de parler de ça ici. Mais ce que nous savons, le peuple, les deux peuples sont déjà en union. Parce que le peuple au Burkina Faso, nous parlons le Djula, qu'on appelle au Mali Bambara, qu'on appelle en Guinée le Malinké. Donc si nous voulons quitter la colonisation française, il faut que nous ayons notre langue à l'eau. Et déjà dans ces trois pays, la même langue est parlée. Le Malinké, le Bambara, le Djula, c'est la même chose. C'est parlé dans ces trois pays. Voilà pourquoi nous voulons que nous partions de la fédération très rapidement. D'abord, on ne peut pas avoir tout en même temps. Mais côté armée, déjà, les deux armées travaillent en collaboration. Pourquoi ne pas avoir une armée africaine composée de ces trois pays? Pourquoi ne pas avoir une langue africaine composée de ces trois pays? Et puis les autres vont suivre ainsi de suite. Et si les trois pays sont en fédération, la CEDEAO est cassée. La CEDEAO, aux ordres de l'impérialisme, est cassée. Et maintenant, à partir de ces trois pays, nous allons reconstruire la CEDEAO du peuple. Donc, déjà sur le terrain, nous vivons. Et je vous dis, avant-hier, peut-être les techniciens peuvent faire passer l'image. Il y a un autre camarade de Yerewolo de Bouchy le Rempart, Dembadou Kourou, qui a roulé vélo de Bamako à Ouaga pour remettre encore le drapeau Burkina, Mali, son excellence Ibrahim Traoré, toujours dans la même mission, l'unité et la fédération Mali-Burkina Faso. Nous aussi, au niveau de la Fédération des mouvements panafricanistes du Burkina Faso, nous sommes en train de préparer une mission pour les trois pays, Burkina, Mali, Guinée. Et nos camarades vont quitter ici, aller remettre le drapeau à son excellence, colonel Assimi Goïta, et aussi remettre à Doumbia les trois drapeaux, pour demander la fédération de ces trois pays. Et nous voulons aller vite et bien, et nous voulons que quelque chose de concret soit concrétisé en cette année 2023, et que ça soit visible au plus tard 2024. Donc voici l'objectif que nous visons. Donc le peuple est déjà uni, c'est au niveau des autorités, et actuellement, je dirais que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, les trois dirigeants sont dans la même vision, ils sont en phase avec le peuple. Donc, ce que nos devanciers ont commencé, ça va se réaliser, ça va s'accomplir, car nous sommes déterminés, nous sommes en train de les accompagner, nous sommes en train de les motiver. Hier, il y avait des manifestations à Fada pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup à vous, Nestor Poudassé, vous ne partez pas, puisque nous sommes qu'en début de cette émission, on reviendra certainement sur vous. Le temps pour nous de revenir sur ce plateau et de donner la parole au président Bandakani. Alors, président Bandakani, vous avez suivi tour à tour le professeur Jean-Paul Belek et il y a quelques secondes, Nestor Poudassé qui nous retraçait ce qu'on peut appeler aujourd'hui le cheminement vers cette fédération ou même de cette alliance qui se concrétise chaque jour entre le Burkina Faso et le Mali. Alors, du haut de votre statut, président Bandakani, vous qui êtes panafricaniste, quelle appelle votre lecture aujourd'hui du cheminement du Mali et du Burkina Faso dans le cadre du combat qui semble être le vôtre? Le premier sentiment, le premier constat que je peux faire, c'est qu'une fois de plus, l'idée panafricaniste se consolide profondément, s'approfondit. Et commence à basculer dans l'idée de constituer des fédérations. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. L'histoire de l'Afrique, dès les années 58, 50, même les années, à partir des années 44, la conférence de Brazzaville de 44, jusqu'à la constitution de 58, il y a un projet français de faire un fédéralisme colonial. Fédéralisme colonial que la constitution de 58 va rendre caduque, on s'abâche pas. Mais pendant la colonisation, vous avez l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, qui sont des formes de fédération coloniale. Donc vous voyez que c'est pas une idée, c'est pas seulement les panafricanistes qui ont l'idée de fédérer. Non. Les colons, les impérialistes, ils ont aussi leur idée. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut faire avec l'Union africaine. Quand vous entendez la tentative de vouloir intégrer l'Union africaine au G20, vous voyez que c'est quoi? Bon, des gens comme Macky Sall, qui n'ont aucune épaisseur, vantent ça. L'autre ami de l'Union africaine, le président de la commission, fait comme si c'était un exploit. C'est n'importe quoi. C'est toute cette dynamique qu'ils veulent rebondir. La CEMAC, tous ces machins, la CEMAC, les CDAO là, ce sont des types de fédérations, dans le jargon on va dire, de regroupement fonctionnel, c'est-à-dire que l'objet, ce n'est pas le panafricanisme politique, l'objet c'est de fonctionnalité géopolitique, géoéconomique, n'est-ce pas, vulgaire, sans épaisseur, comme la CDAO, comme ces fameuses unions douanières, CEMAC et consorts, qui n'étaient que des formes de continuité coloniale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a même eu, la Fédération du Mali était une tentative de lancer, juste après les indépendances, la Fédération du Mali, vous le savez, la Fédération du Mali a uni 17 janvier 1959, 40, ça, on a parlé de ça, 44 représentants des quatre territoires issus de la colonisation décident de créer la Fédération du Mali. Ben, ça ne va pas tenir longtemps. Vous voyez, ça n'a pas tenu longtemps. Vous avez le 23 février 1960 à Paris, vous avez la tentative de créer l'Union des Républiques d'Afrique centrale, l'URAC. Les gens ne savent pas beaucoup, hein. Mais il y a eu cette tentative. Aucune des anciennes colonies ne voulait aller à l'indépendance individuellement. Mais pour le cas de l'Afrique centrale, le Gabon va saboter ça. Le Gabon, Père Bongo, va saboter ça. Il va saboter ça. Donc, évidemment, agissant au nom de la France, évidemment, va saboter ça. Vous avez la tentative de la création de la fédération Guinée-Mali, pardon, Mali-Ghana, qui va s'élargir à la Ghana-Mali-Guinée. On est dans les années, je crois, 58 à 61, ça va tergiverser, mais ça ne va pas aboutir à la fin. Et puis, il y a le grand projet de Nkrumah, on ne va pas revenir là-dessus, le grand projet de Nkrumah, qui est de fédérer toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc, l'idée de mutualiser nos potentiels, nos capacités, nos forces est une vieille idée. C'est-à-dire au-delà des combats pré-indépendantistes, même on peut aller plus loin dans l'histoire de l'Afrique. L'Afrique connaît très bien ces choses. Hein. Les grands empires africains ont été des tentatives, n'est-ce pas, de mettre ensemble des territoires qui, avant, les empires n'étaient pas ensemble. Les grands empires, ça a été, n'est-ce pas, l'unification, soit par la guerre, soit par la guerre et la religion mélangées, n'est-ce pas, d'unir des territoires et des peuples qui, au départ, étaient séparés. L'Afrique connaît très bien ça. Donc, pour dire quoi? Quand je convoque tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'idée que nous voyons là est une très bonne chose pour nous. Vous comprenez pourquoi? C'est une très bonne chose. Parce que on voit que le panafricanisme est quitté des plateaux médias pour devenir une réalité concrète. Justement, c'est la question que je voudrais vous poser, oui. Sans toutefois vous couper, hein, président Badiakhané. Alors, si l'idée est vieille telle que vous venez de la démontrer, en quoi elle est applaudissable aujourd'hui? Oui, l'idée est vieille, mais l'idée a été aussi beaucoup combattue. Il faut aussi convoquer la vieillesse des ennemis de l'idée. Les ennemis de l'idée sont très vieux. Ils ont sophistiqué leur méthode pour combattre toutes les tentatives de panafricanisme, peu importe le caractère embryonnaire de ces tentatives-là. Ils ont bien compris que si on laisse le petit là, ça deviendra grand. L'Union européenne a commencé, c'était ces deux États. C'est pas un modèle à suivre, mais je comprends ça à titre pédagogique. Donc, ça a commencé par deux États, c'est l'Allemagne et la France. Jean Monnet et tous ces gens-là, ça commençait d'eux. Donc, les ennemis du continent, qui savent très bien que c'est dans l'unité qu'on est fort, veillent au grain. Même les petits embryons, ils détruisent ça. Avec le feu, le fer, ils détruisent. Donc, quand vous convoquez la vieillesse de l'idée, il faut aussi convoquer la vieillesse des oppositions à l'idée sous la férule de l'impérialisme qui ne veut pas entendre parler. Alors, pourquoi l'idée est applaudissable, comme vous dites? Mais elle est applaudissable parce qu'il faut voir dans quel contexte l'idée se fait. Dans quel contexte? C'est dans un contexte extraordinaire qui est renouvelé. Certes, les vieilles problématiques, les vieilles contradictions, les vieilles questions structurelles sont les mêmes pratiquement. Mais le contexte a beaucoup évolué. Les générations se sont renouvelées. Et nous avons avec nous la mémoire, le patrimoine de l'expérience de ceux qui nous ont précédés, qui est une matière qui nous enseigne. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus pour ne pas faire les erreurs qui ont été faites hier, pour anticiper sur les pièges de l'ennemi. Je veux dire que nous avons de l'expérience en la matière. Donc, ça applaudit ça parce que les deux États qui veulent se mettre ensemble là, regardez leur parcours. Et il faut de plus regarder le contexte, regarder les générations des dirigeants. Donc, le panafricanisme a longtemps, ça a quitté le plateau. Sans cela que c'est puissant, ça dérange. C'est en train de se concrétiser de plus en plus. J'ai été, je crois que c'était avec vous, où j'avais appelé à l'unité de ces trois pays, vous vous souvenez? Absolument. J'avais dit que rapidement ils réfléchissent au terme de leur unité. Peu importe le timing, la chronogrammation, peu importe comment est-ce que la séquentialité du mouvement, mais il faut que ces trois pays réfléchissent à s'unir. Mais on a été entendu. Donc je dois applaudir. Nous sommes contents, nous devons applaudir. On a été entendu. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'idée est très bonne. Eh bien, je vais dire à notre fils, notre jeune frère Podassé, mais il faut réfléchir sérieusement. C'est-à-dire quoi? Il faut tirer les leçons des échecs antérieurs. les analyser profondément. Je pense qu'on a à la tête de ces deux pays des gens compétents pour le faire. Le Premier ministre du Mali, le président du Mali, le président Traoré, notre Premier ministre, ce sont des gens extrêmement compétents qui connaissent l'importance d'étudier l'histoire des tentatives fédératives passées, les raisons de leur échec, pour engager une bonne dynamique de fédération. Pourquoi des mondes font que encore un échec? Non. Parce que l'impact, ça va être récupéré par l'ennemi pour encore essayer de dénigrer le panafricanisme. Vous comprenez? De le diaboliser, de dire que donc, ce sont des velléitaires, ce sont des velléitaires. Non. Pourquoi les autres fédérations ont échoué? La fédération du Mali, la fédération d'Afrique centrale, même les deux Rhodésie et Nyassalan à l'épaule, les fédérations. Donc, il y a plusieurs tentatives de fédération. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut tirer les leçons. C'est-à-dire quoi? Analyser profondément les méthodes de l'ennemi. Comment les Occidentaux procèdent, n'est-ce pas, pour nous maintenir en situation d'esclavage de fait? Comment ils procèdent? Il faut analyser ça sérieusement. Il faut analyser la vieille alliance qui est entre l'Occident et l'Endo-Colonna, c'est-à-dire les valets locaux de l'Occident. C'est une très vieille alliance qui a raffiné ses méthodes, qui les a sophistiquées. Ils ont une pratique presque millénaire de la destruction. L'art de diviser l'Afrique, l'art de casser toute dynamique véritable de libération. Il faut étudier ça. Comme les Occidentaux font. Il faut étudier ça. Ça demande une étude profonde de sociologie, des classes sociales, de leurs intérêts. Il faut une étude profonde de l'anthropologie. Alors, il ne faut pas dire que c'est déjà fait. Non. Il faut étudier profondément cette affaire-là. Il faut étudier profondément les lois économiques qui structurent les deux pays, pour parler des deux pays, leur situation économique. Et il faut étudier les dynamiques. Qu'est-ce qu'on va mettre en priorité? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Sur quoi va se baser l'Union? Quel va être l'objet précurseur qui va servir de rampe, n'est-ce pas, pour, comment on dit ça, pour élargir les compétences de l'Union, pour élargir, n'est-ce pas, toute la dynamique du fédéralisme, n'est-ce pas, à tous les aspects par rapport à ces deux pays. Enfin, comment maintenant projeter cette organisation de manière à ce qu'elle soit ouverte à d'autres intégrants, à d'autres formes d'alliance, d'adhésion. Parce que la CEDEAO ne va pas laisser faire. Ok, la CEDEAO, c'est la France, c'est l'Occident, la CEDEAO, c'est l'OTAN. Oui, la CEDEAO ne va pas laisser. Parce que la CEDEAO comprend très bien ce qui se passe. Elle sait très bien que si une alliance, c'est-à-dire une fédération d'États, émerge là, dans le contexte actuel, ben, la CEDEAO est très mal partie. Ils le savent. Vous comprenez? Mais, comme c'est une question de suivi, tout à fait. Comme c'est une question de suivi, et que les deux pays sont confrontés au même ennemi, mais l'objet de la fédération est vite trouvé. Pour un départ, vite trouvé. Pour d'assez l'a dit, réfléchir rapidement comment mutualiser la lutte contre les terroristes. La lutte contre les terroristes. Comment fédériser la réflexion, les capacités de réflexion, n'est-ce pas, pour... comment on dit ça? Pour apporter des solutions rapidement à la question terroriste. Et quand il n'y a pas de solutions militaires, vous voyez très bien ce que ça suppose en termes de stratégie en matière de défense, capacité stratégique. Là, on parlait de stratégie, pas au sens premier du mot. Je parle de stratégie en termes de sécurité, en termes de capacité militaire. Il faut parler de ça. Donc, on voit très bien que ce n'est pas les objets qui manquent. Tout à l'heure, le professeur Berger a parlé. Une réflexion importante sur la monnaie. Parce que, vous ne l'avez pas suivi, il faut écouter Bruno Le Maire dernièrement. Et il vous dit que la France est ouverte à une réforme approfondie du franc CFA, la zone franc. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent ça. Pas pour rien. Ils savent très bien que la dynamique au Mali, ça continue comme ça, va nécessairement déboucher sur une indépendance monétaire. Ils le savent. Ils le savent. Donc, vous voyez très bien que, alors qu'ils sont en train de vouloir faire, ils travaillent sur leur faux écho, là, le Wacron, le faux écho, là, le nouveau franc CFA qu'ils ont créé, mais il est très dangereux qu'à ce moment-là, émerge, n'est-ce pas, une fédération entre deux pays qui ont les mêmes problèmes, qui ont des dirigeants assez atypiques et qui ont une dynamique d'alliance globale assez courageuse et audacieuse. Vous voyez de quoi je parle. Une véritable diversification des partenariats militaires ouverte sur Moscou. Vous voyez? Donc, par exemple. Par exemple, vous voyez très bien que c'est très inquiétant. Donc, ils ne vont pas le laisser faire. Donc, c'est une possibilité extraordinaire. Et moi, je pense que le secret de cette réussite, ce n'est pas seulement le travail au sommet, c'est-à-dire les dirigeants qui se rencontrent tout et tout, mais pour essayer de la souligner, c'est l'implication des populations. La chance de ce mouvement, c'est qu'il vient aussi par le bas. Donc, il faut amplifier le mouvement par le bas. Il faut amplifier l'appropriation par les masses populaires de la dynamique panafricaniste. C'est pour ça que le travail que fait Podassé au Burkina Faso et nos amis au Mali est très important. Très, très important. C'est pour ça que le fait qu'on ait l'opinion africaine, ce que j'appelle l'opinion panafricaniste africaine, mais qui est maintenant une afro-opinion mondiale, n'est-ce pas, est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Je veux dire qu'au niveau des mentalités, au niveau de l'intellectualité, l'unité est faite. L'unité est faite. Maintenant, il faut traduire ça. Il faut traduire ça concrètement sur le terrain par la dynamique panafricaniste, c'est-à-dire l'unité, la dynamique d'unité, que ce soit autour d'un noyau, deux États. Un État commence, deux, trois, au fur et à mesure, on avance. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a ces perspectives, déjà même en matière de réflexion. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des dirigeants africains réfléchir comme ça. Évoquer même depuis l'échec de la Fédération du Mali, de la Fédération du Sahel, de la Fédération Guinée, Mali, Ghana, de l'Iran. C'est-à-dire que ça a complètement amené les États à sombrer dans une espèce de chauvinisme national. Vous comprenez? Mais là le retour va loin et on voit deux dirigeants, n'est-ce pas, de pays africains s'asseoir et envisager une fédération. C'est déjà beaucoup ça, c'est énorme ça. C'est un grand progrès. Donc, pour rendre ça irréversible, il faut que la collaboration entre les peuples, et là, Podassé a une responsabilité extraordinaire, nous avons une responsabilité extraordinaire, on va l'accompagner pour ça, et nos amis du Mali, il faut que les contacts entre les peuples se renforcent. Plus les peuples vont se renforcer, plus ils vont panafricaniser leurs problèmes. C'est-à-dire que les décoloniser les structures du récit de leurs problèmes. Comment on dit? Qui parle de leurs problèmes? Comment est-ce qu'on dit? Elle dit que mettre ça sous forme de langage, renouveler les formes de langage quand ça concerne la construction des récits liés à leurs problèmes. C'est ce que j'appelle la panafricanisation. Les populations se panafricanisent, panafricanisent leurs problèmes, les solutions qu'elles veulent envisager ensemble à la base. Envisage les échanges commerciaux, envisage les échanges dans tous les domaines, sous la modalité panafrica, ça va aller très vite. Si ce mouvement-là se renforce à ce niveau-là, il sera très facile, n'est-ce pas, au niveau des États, il sera plus facile, je ne dis pas très facile, il sera plus facile au niveau des États d'aboutir rapidement, de faire aboutir rapidement cette idée. Vous comprenez? Donc, la chance qu'on a et qu'on n'avait pas dans les années 60, c'est ce changement militaire au niveau mondial. Alors, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique française, francophone, la France exerçait une tyrannie de fer sur ses colonies. Elle avait tout cadenassé. La nouveauté, c'est quoi? C'est que c'est fini. Ce monopole géopolitique, géomilitaire occidental, dans ces deux anciens précarés, parlons comme ça, l'Afrique équatoriale française, Afrique équatoriale, Afrique occidentale française, ce monopole est cassé. Il est cassé. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau. Donc, il y a des possibilités globales d'alliance qui s'offrent à nous et qui peuvent servir de levier à la construction d'une véritable dynamique panafricaniste, quitte à ce que ça commence par deux États. Donc nous encourageons cette idée. Nous sommes très heureux de le voir, que ce ne soit pas seulement un discours d'un soir ou bien le temps d'une visite, parce qu'on veut flatter l'opinion mondiale, l'opinion afro-mondiale panafricaniste. On veut flatter ça. Alors on met les habits du jour. Si c'est ça, ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup. C'est sérieux comme sujet. Et il faut que ça soit quelque chose qui est porté sérieusement par les dirigeants de ces deux grands pays qui nous font honneur. Merci beaucoup à vous, Président Badakani. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, je voudrais sauter quand même sur ce que vient de dire le Président Badakani tout à l'heure. Alors, il parlait, lorsqu'on essaie un peu de voir sur un plan purement général, lorsqu'on essaie un peu de convoquer le contexte, il faisait savoir que, sur ces expressions, hein, le cadenas est pratiquement cassé aujourd'hui. Mais ce qui ne m'empêche pas de vous relancer sur cette question, alors, quelle est un peu aujourd'hui la marge de manœuvre qu'ont quand même ces deux chefs d'État qui se retrouvent assez permanemment et qui donnent aujourd'hui des arguments pour approcher les deux pays dans un contexte où on sait quand même que les puissances qui tiennent l'Afrique d'une manière ou d'une autre ne sont pas prêtes à se séparer de ce continent. N'oubliez pas que quelqu'un disait l'Europe vit grâce à l'Afrique. Tant que l'Afrique ne donnera pas la possibilité, l'Europe va s'effacer. En respectant les aspirations des uns et des autres chez eux, c'est ce qu'a déclaré le premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela dans une vidéo diffusée par ses services. Selon lui, ce chantier de la fédération doit être tracé pendant la transition, car si les politiciens reviennent au pouvoir, ce serait difficile, dit-il. Aucune réaction officielle n'a été rapportée du côté des autorités maliennes à l'idée d'une fédération. Lors d'un dîner avec son homologue burkinabé, le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a répété les principes défendus par Bamako. Souveraineté, liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Bamako s'est détourné de Paris et ses partenaires pour se tourner vers Moscou. Les Occidentaux et certaines organisations disent qu'ils ont fait appel au groupe paramilitaire privé russe Wagner pour les aider dans la lutte contre le terrorisme. La junte dément et parle de coopération militaire d'État à État avec la Russie. Choguel Kokala Maïga a encouragé son homologue burkinabé à suivre l'exemple malien. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans la spirale de la violence djihadiste. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a demandé le départ des 400 soldats français des forces spéciales de l'opération Sabre basée à Ouagadougou. Le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin avaient tenté une éphémère fédération en 1959-1960 au moment des indépendances de ces ex-colonies françaises, mais cela n'a pas abouti. Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela dans une vidéo diffusée par ses services. Selon lui, ce chantier de la fédération doit être tracé pendant la transition, car si les politiciens reviennent au pouvoir, ce serait difficile, dit-il. Aucune réaction officielle n'a été rapportée du côté des autorités maliennes à l'idée d'une fédération. Lors d'un dîner avec son homologue burkinabé, le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a répété les principes défendus par Bamako. Souveraineté, liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu. Jusqu'à présent, mesdames, messieurs, voilà, vous avez dû remarquer quelques quelques soucis techniques indépendants de notre volonté. Nous avons été coupés. Voilà, tout est revenu à l'ordre. Merci pour votre fidélité. Merci encore de nous retrouver sur ce plateau du débat panafricain de ce dimanche 5 février 2023. Et nous parlons du Burkina Faso et le Mali, les enjeux d'une alliance entre les deux pays avec nos experts qui sont sur ce plateau. Et bien sûr également en multiplesse sur ce plateau, le président Bandakané en politique qui est panafricaniste et le professeur Jean-Paul Bellec qui avait la parole au moment où nous avons eu ce petit problème technique. Alors les choses sont revenues à la normale. Professeur Jean-Paul Bellec, je vous retourne la parole. Je vous posais la question de savoir concrètement pour ce qui est de ces deux pays d'une autre façon. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire la force de cette fédération ou de cette alliance, surtout qu'on sait que ces pays se lancent sur la voie d'une alliance ou de la fédération dans un contexte où les puissances dominatrices ne sont pas prêtes à laisser l'Afrique. Oui, justement, je réponds que ces puissances dominatrices ont tendance à pratiquer le diviser pour régner. Donc, dans la mesure où il y a deux États, chacun à peu près 22 millions d'habitants, qui sont confrontés aux mêmes difficultés venant de ces colonisateurs, de ces prédateurs, eh bien, unir ces forces, en fait, ça fait une entité qui conjugue ses efforts. Donc, au lieu de diviser pour régner, c'est l'unité pour mieux résister et même combattre et vaincre. Donc là, c'est 44 millions d'habitants qu'on a. Ce n'est plus 22 millions qu'ils agressent d'un côté, 22 millions, et chacun essaie d'investir. Par exemple, au niveau sécuritaire, les acquis militaires déjà au Mali peuvent profiter au Burkina Faso. C'est-à-dire que les prochaines... Parce qu'ils vont coordonner une armée commune. La stratégie sera pensée en commun. Les plans de contre-attaque seront pensés en commun et on peut espérer maintenant qu'on peut éradiquer ce tourisme. Parce qu'il ne pourra pas quitter le Mali pour aller se réfugier dans la région des trois frontières côté Burkinabé. Sans conséquence, puisque c'est la même armée qui sort. Alors, il ne restera plus que le Niger. Ok ? C'est-à-dire qu'ils ne pourront se réfugier qu'au Niger. Et là, c'est clair, on le voit déjà, qu'il y a confiance des forces occidentales de l'OTAN au niveau du Niger, en particulier dans la région des trois frontières. Et c'est là aussi qu'il y a actuellement les terroristes. Parce qu'ils sont déjà bien éliminés au Mali et actuellement très attaqués par les forces du Burkina Faso. Ils se réfugient au Niger. Ça montre bien cette collusion entre les terroristes et les forces occidentales. C'est-à-dire qu'ils sont alliés, ils sont ensemble. En fait, les uns contrôlent les autres. On sait que le terrorisme, qu'il ne faut pas appeler djihadiste, il y a longtemps qu'on a compris, les terroristes sont alliés, sont des forces, des supplétifs de l'Occident. Voilà. Ils sont là pour combattre l'Occident et ils croyaient brouiller les pistes en parlant de djihadisme et tout là. Et là, c'est le diviser pour régner. Parce que ça veut dire qu'on pourrait juste le fait qu'on va opposer les chrétiens aux musulmans, on va opposer les arabo-musulmans aux nègres subsahariens, des choses. Et ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est l'échec. Et cette union Mali-Burkina, au niveau sécuritaire, justement, va renforcer cette mise en échec et va donc obliger les Nigériens à prendre leurs responsabilités. Parce que les peuples, c'est déjà le cas. Maintenant, les militaires nigériens aussi doivent réagir. Parce qu'ils sont aussi appelés à entrer dans cette union. Et d'où ce que le président Bandakané a dit, il faut qu'ils tirent les leçons des échecs du passé pour que ça réussisse. Parce que la réussite d'une telle union va faire appel d'air pour que d'autres États, dont le Niger, déjà aussi la Guinée, intègrent cette union. Et dans la mesure où dans ces pays-là, on parlait de l'Empire du Mali, ce sont des héritiers de l'Empire du Mali, qui ont été émiettés en différents États, surtout. Mais l'Empire du Mali ou l'Empire Songhaï, mais attendez, quand on dit empire, ça veut dire quoi? Explication d'abord. On n'a pas dit royaume, on a dit empire. Ça veut dire que des peuples différents sont gérés par le même souverain. C'est ça un empire. C'est pas une question de taille, il peut être petit. Et ça serait quand même un empire. Et là, c'était grand, et c'était ethnique au sens, les Occidentaux disent que nous formons des ethnies. Alors, dans ce cas-là, vous voyez par exemple quelle est la Guinée. En Guinée, les Français actuellement, même dans toute la sous-région, veulent créer un problème Peul. Et en Guinée, on le met en avant, le problème Peul. Ce problème Peul sera mis en échec avec l'unité au Burkina Faso, Mali. Pourquoi ? Il y a des Peuls au Burkina, des Peuls au Mali. Donc s'ils font une fédération, les Peuls en font partie. Ce qui veut donc dire que les Peuls de la Guinée aussi sont appelés à en faire partie. Et ils auront compris que dans un ensemble plus grand, les peuples sont gérés en harmonie. Donc pourquoi en Guinée, il y aura opposition entre Peuls et puis Malinké ? Alors que les Malinké, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est que la partie guinéenne du Mandé. C'est tout. Donc, je veux dire que plus les entités sont grandes, dont nos ancêtres n'étaient pas des idiots, ils faisaient des entités grandes. Souvenez-vous de l'Égypte ancienne, la vallée du Nil. Souvenez-vous de l'empire de Ghana, le Mali, le Songhai, on en a parlé, même le Zimbabwe. Tout ça, c'était toujours des empires, vous voyez. Donc, ils ont pensé ça parce que plus on a un espace assez grand, j'ai pas dit très grand, j'ai dit assez, c'est-à-dire que atteindre une taille suffisante pour une expansion en termes de développement suffisante, voilà, bien pensée, en harmonie, voilà, et ils ont de barrières. Parce que, en fait, hein, écoutez bien, on a beau être africain, on a beau être européen. Si vous formez deux États différents, vous avez des intérêts différents, a priori. On peut donc vous opposer les uns aux autres. Oui. Ça se fait en Europe, vous voyez, bientôt là. Quand la guerre de l'Ukraine là, va tourner à l'avantage, comme moi je le sais que c'est ce qui va se passer, des Russes, parce que c'est eux qui ont le droit avec eux, on en déplaise aux Occidentaux, ils vont dire que la Russie envahit. Remontons aux antécédents. Ils ont aussi la capacité militaire de résister, puisqu'ils font face à tout l'OTAN et ils tiennent le choc. Quand ils vont gagner, vous allez voir qu'il y aura fissure dans le camp occidental. C'est là qu'on va découvrir maintenant qu'en fait, puisque vous n'avez pas formé une vraie fédération, eh bien, on peut vous opposer. Leurs intérêts vont diverger. Vous allez voir. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt après à être dans des entités suffisamment grandes pour que les intérêts soient convergents et non divergents. Et pour une meilleure harmonie de développement et qui profite à tout le monde. Et maintenant, au niveau de la langue, dans tout cet espace, il y a une langue qui s'impose. Vous voyez ? On n'a pas à chercher midi à 14h. La langue qui s'impose, c'est le Bamana. Parce que c'est la langue la plus parlée, bien sûr. Elle est maîtrisée couramment, c'est qu'on n'a même pas besoin. Les gens, elle s'apprend à l'école. Hein. Au Mali, on apprend le Bamana à l'école. Voilà. Mais non seulement ça, mais toutes les personnes parlent le Bamana. Ce n'est qu'une minorité, peut-être, qui ne maîtrise pas. Et cette minorité, mais elle, on n'aura pas beaucoup de gens à former. Donc ça va être très rapide. Par rapport au français, qui est une langue aliénante, le Bamana n'est pas aliénant. Si moi je suis moré et que je parle le Bamana, je ne suis pas aliéné. D'abord, il y a des mots communs, mais en plus, je suis toujours dans mon univers. On pense pareil. C'est peut-être le mot peut sonner différemment, mais la construction grammaticale, au niveau même de vous voyez, une langue a son génie. Comment on pense, on sent les gens, c'est la même chose. Voilà. Donc ça va renforcer cette unité linguistique également, politique. Et le reste du monde va commencer à faire encore plus attention aux Africains. Parce qu'on est en train de réussir au niveau du panafricanisme. Et voilà un exemple. Ils vont donner encore plus d'importance aux Africains. C'est-à-dire que là où, comme vous avez dit là, ils ne veulent pas que l'Afrique, ceci, cela. Non, il n'y aura plus de « ils ne veulent pas ». Parce que l'Afrique veut. La preuve. On a réussi à faire une unité. Donc, la volonté des Occidentaux ne pourra plus s'imposer. Okay. Et non seulement ça, mais aussi dans la tête des non-Occidentaux qui ne sont pas Africains. Bon, les Africains, déjà, il y a les Indo-Colombiens. Je passe. Par exemple, si je prends quelqu'un en Indonésie, peut-être que l'Indonésien est déjà habitué à ce que l'Africain soit sous les ordres insoumis de l'Occident, quoi. Mais quand ils vont voir que non, les Africains commencent à faire des choses qui ont un sens, et ils font des unités fonctionnelles, ils vont commencer eux-mêmes à penser l'Africain autrement. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une opposition entre un Indonésien et un Africain. On n'a jamais fait le mal l'un dans l'autre. Si ça arrivait, par exemple, si un Africain va en Indonésie, je dis ça comme ça, hein, et qu'il subit le racisme, c'est par l'Occident. Ça ne peut pas venir de l'Indonésien de façon... c'est là que je préfère l'anglais. Genuine. C'est-à-dire que par lui-même, genuine, ça ne peut pas. Ça peut arriver que parce qu'il a été influencé d'une façon, par la presse, par l'éducation, tout et tout, à l'occidental, c'est tout. Mais sinon, et donc voilà aussi tout un tas d'intérêts. Donc là, c'était l'intérêt géopolitique d'une unité de l'Afrique. Alors, même si ça commence par deux territoires, deux États que sont le Mali et le Burkina Faso. Bon, après, il faudra donner un nom. Il faudra donner un nom à cet ensemble-là. Mais je pense que le second, moi, en ce qui me concerne, le second sujet me permettra de mettre un peu plus de clair dans l'obscur. Voilà. Merci donc à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Je voudrais, en saluant aussi votre intervention, reprendre ce message qui nous a été envoyé afin de commenter sur l'une de nos plateformes par M. Alain Aboto Fouda, qui dit: Monsieur Bellec, votre narratif tient sa route. Le triangle unitaire sécuritaire Mali, Burkina, Guinée ne peut être que salutaire pour les intérêts communs. Merci à vous, monsieur, pour votre commentaire. Merci à tous ceux qui nous regardent et commentent cette émission à travers les différentes plateformes de diffusion de ce débat, des différentes émissions de Afrique Média. On nous fait signe que M. Issa Diawara est en ligne depuis le Mali. M. Diawara, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. C'est le débat panafricain. Vous êtes au Mali. Alors, dites-nous, peut-être, hein, pour sortir de ce sujet. Alors, au moment où on parle de cette fédération qui est en train de, qui s'annonce entre le Burkina et le Mali, quel message de votre point de vue quel message le Burkina Faso et le Mali sont peut-être en train d'envoyer au reste du continent africain? Quel message les peuples burkinabais et maliens envoient au reste du peuple africain? Permettez-moi de saluer les éminents, les respectueux qui sont avec vous au plateau, de saluer évidemment toute l'équipe d'Afrique Média. Je vois le professeur Mbelek, il y a le président Bandakani et tout le monde, et tous ceux qui travaillent, recevez mes sincères salutations. J'ai suivi leur brillante intervention. Pas facile d'intervenir à leur suite, mais on va essayer. Merci. Le message lancé, c'est qu'il faudra voir. C'est d'abord que ce n'est pas une première fois en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est très important de le souligner. Je pense que le professeur Jean-Paul Mbelec vient de le dire. Effectivement, quand vous parlez des empires, donc nous étions déjà des États fédéraux. Et l'histoire des États fédéraux, ce n'est pas propre à l'Occident. C'est un mensonge. L'Occident s'en inspirait à partir de l'Afrique. Car n'oubliez pas, nos films, quand ils ne furent pas encore, nous avons des longues expériences en matière de gouvernance. L'Empire du Mali dont on parle, si on prend l'exemple sur ça seulement, on dit par exemple que le mandat, il y avait 12 portes. Quand les curieux disent que nous détenons les clés des 12 portes du mandat, ça veut dire quoi? Il y avait 12 autres rois, 12 autres entités politiques qui peuvent avoir leur existence à part. Mais c'est que tout ce beau monde-là, les gens se sont mis ensemble pour constituer un empire. Donc, chacune des entités politiques avait bien sûr son autonomie. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris de voir la longévité de tels empires, de tels états, à l'époque où l'automobile n'existait pas, l'avion n'existait pas, mais qui pourtant s'étendait du Sénégal jusqu'au Niger et de la Mauritanie, bien sûr, jusqu'au confins du Nigeria, Guinée-Bissau, Sierra Leone, tout simplement parce qu'on avait réussi un modèle de gouvernance tel, ça n'a jamais marché nulle part. Et malheureusement, je pense qu'on a peut-être jeté un peu ces choses. On ne s'inspire pas beaucoup de notre réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous serez surpris peut-être de voir qu'un pays aussi morcelé et diminué comme le Mali ou un pays de la taille du Burkina, du Togo, chacun de nous connaît des problèmes parce que nous avons adopté des modes de gouvernance en réalité qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà, il s'agit des modes de gouvernance d'autres peuples. Et ce n'est pas notre habit, ce n'est pas notre boubou que nous portons. Autre chose, même l'empire du Mali qu'on parle. La seule différence que les gens vont établir, ils vont dire qu'autrefois c'était la monarchie et que maintenant nous sommes dans une république. Même là, cette monarchie, ça reste encore à voir. C'était une monarchie beaucoup plus avancée. À la mort de Soundiata, beaucoup de ses enfants n'ont pas réussi à gouverner en tant que tel. Il y a un général de guerre de l'empire du Mali à l'époque, le général Fakourou, qui avait redressé la barre. Même si vous partez du côté de l'empire Songhai, après la disparition de Sonny Alibert, qui est le père fondateur de ce grand empire, mais beaucoup de ses enfants n'ont pas réussi. Il fallait l'arrivée d'un autre homme fort d'une autre dynastie, Askia Mohamed. Donc, vous voyez un peu dans ça, vous retrouvez encore des pratiques, bien sûr, de la République. Et je ne vais pas m'attarder dessus, ce sont des leçons. Il s'agit de notre histoire, il faut savoir s'en inspirer. C'est le changement que vous allez constater. Même quand on parle de royaume, le royaume Bambara de Ségou, par exemple, la succession, normalement, c'était le Koulibaly. Biton Koulibaly, mais sa descendance, finalement, nous avons eu N'Golo Diarra, qui a pris le pouvoir, pourtant, qui n'est pas Koulibaly. Donc, pourtant, c'était à la suite d'une élection, mais à l'africaine, il était question de choisir, de tirer au sort peut-être les bâtons, et bien sûr, le choix est porté sur N'Golo Diarra. Vous savez, aujourd'hui, les deux pays, pour venir plus dans l'actualité, les deux pays ont les mêmes problèmes, comme les prédécesseurs ont eu à le dire. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes amis, nous avons les mêmes ennemis, nous avons les mêmes rivaux. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas se réunir. Pour qu'on ne doit pas se retrouver, du moins que nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes amis, aujourd'hui les Russes, les Turcs et autres, mais nous avons les mêmes ennemis aujourd'hui, s'il s'agit de l'État français, les politiques à la solde de la France, les terroristes, bien sûr, et l'aménagement. Tout ça, ça forme un seul camp, et bien sûr, de l'autre côté, vous avez nous autres, et les peuples maliens, les peuples du Burkina, aujourd'hui portés par les militaires qui sont au pouvoir. Donc nous avons les mêmes problèmes, et bien sûr, les problèmes que nous avons présentent aussi les mêmes solutions. Et d'ailleurs, nous avons déjà surmonté certains de ces problèmes ensemble. N'oubliez pas que l'armée de l'air du Mali apporte régulièrement assistance à aux troupes au sol du côté du Burkina. Et même les dames du Burkina ont été enlevées par une mise en tout cas, un complot façon de la France, mais elles ont été retrouvées grâce à un partenariat entre le Mali et le Burkina. Et c'est le ministre burkinabé, bien sûr, qui l'a dit à la télévision publique du Burkina. Vous savez, nous avons opté pour une fédération souple, tel l'a dit le Premier ministre du Burkina, c'est-à-dire nous allons développer des partenariats au niveau de la défense et voir au niveau économique et la libre circulation. Nous allons avoir une zone libre d'échange entre les deux pays. Il s'agit de telles coopérations renforcées entre nos deux pays, c'est fédéralisme. On n'est pas obligé de faire du copier-coller du côté des Américains ou bien du côté du Brésilien. On est en train d'inventer quelque chose propre à nous, propre à nos communautés, et bien sûr propre à notre histoire et propre à notre destinée. Il s'agit de là où nous voulons aller. La seule menace pour cet État fédéral aujourd'hui, c'est bien sûr c'est la France. C'est pourquoi il faut s'unir pour combattre cette menace. Parce que les bases militaires françaises en Afrique de l'Ouest, tout autour aujourd'hui du Mali et du Burkina, parce que vous en trouvez du côté du Sénégal, en Côte d'Ivoire, et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Mais c'est un peu ce que l'OTAN veut faire à la Russie. Venir avoir des bases militaires jusqu'en Ukraine, en Finlande, en Suède, en Roumanie, partout, tout autour de la Russie, mais c'est une menace existentielle. C'est la même chose, c'est la même menace que la France est en train de nous imposer. C'est pourquoi moi je pense que si le Mali et le Burkina deviennent forts, et une opération spéciale n'est pas exclue contre les valets locaux de la France qui acceptent de recevoir des bases militaires françaises. Si jusque-là, ces valets-là restaient encore au pouvoir. Le début de cet État me plaît beaucoup. Parce qu'il faut s'inspirer des erreurs. Les Blancs sont venus nous mentir en finançant la fameuse Union africaine, que oui, en 54, comme ça, on peut directement créer un État fédéral. Mais ça n'existe pas. Il s'agit de mettre des choses ensemble qui n'ont rien à voir en commun. Comment vous allez mettre dans une Union africaine, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara, colonel Assimi Goïta, Bazoum? Mais c'est pour s'entre-déchirer là-bas. C'est pour bloquer même le fonctionnement de cette unité voulue africaine par nos pères des indépendances. C'est un piège en réalité, l'Union africaine en tant que telle. Une union, ça se construit à partir de deux, à partir de trois. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils ont réussi à construire leur Union européenne aujourd'hui à la solde des États-Unis. Merci un moment à vous, monsieur Issa Diawara. Mesdames, messieurs, cette émission est en direct. Et vous aussi, vous avez la possibilité de pouvoir y participer. D'ailleurs, vous êtes très nombreux déjà en train de frapper au niveau du standard pour participer en direct. Et bien sûr, des contributions en quelques phrases pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir intervenir sur les deux thématiques. D'abord, nous sommes actuellement en train de parler du Mali et du Burkina Faso, ces deux pays africains qui ont décidé de se rapprocher, de resserrer